deux jeunes filles de 20 ans. Wana bilingi basi bali ya basi na yasika. Et puis machangezo tabule nango librement ils boivent. Tadali kumela. Au nom de l'Église. Na kumu na Église. Voilà ces esprits placés sur la terre pour scandaliser les gens. Talami limu esami na mokili pona kubeti sabato libaku. Mais Jésus-Christ est au-dessus d'eux. Yesu soke zali likolo na bango. Il les a déjà vaincus. Akili kolonga bango. Et vous aussi, petits enfants, vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand que vous. Vivant! Et se conduisant mal! Et ainsi, et des repas, des soupers. Et toutes ces autres choses-là. Et toutes sortes de sottises. Au point que, il y a une seule église en réalité. Vous êtes né en elle. Vous n'entrez pas là-dedans jusqu'à ce que vous soyez lavé dans le sang de l'agneau. Et scellé par le Saint-Esprit. D'abord, lavé dans le sang de l'agneau. Scellé. Alors que vous entrez dans l'unique église. C'est son corps mystique. On ne vient pas y adhérer. Quelle différence y a-t-il entre nom de blasphème et nom blasphémateur? Compris? On vous demande. Compris? N'avons-nous pas expliqué? Je l'ai saisi ce matin quand je lisais ici. En descendant, quelque chose m'a simplement dit, voyez, frère, ça ne vient pas de quelque chose m'a simplement dit, va dans ta chambre et prends le diaglotte. Au lieu de garder le nom de blasphème dans Apocalypse 17, verset 3, quelque chose a dit, va dans ta chambre, prends le diaglotte. Non, c'est simplement l'obéissance. Et dans le mauvais bouton, c'est tout. Et je suis entré, côté, et j'ai pris après les 17. Pourquoi veux-tu que je lise ceci? Pour j'ai commencé à lire. Je suis aussitôt tombé dessus. C'est ça! C'est une révélation fraîche, hein. Qu'elle ait eu un effet de stimulation sur toi. Oh, oui, vous allez cette révélation sur ton âme. J'ai pris un crayon et je l'ai écrit. Et j'ai dit, c'est ça. Toi aussi dit, c'est ça. Des noms blasphématoires. Ils se plaignent de moi quand je tape contre les organisations. Ce sont des noms blasphématoires qui se disent Église de Dieu. Église de Christ. Église de Christ. Église de méthodiste. Église de méthodiste. Église de ceci et de cela. Ce sont des loges. Ils allaient d'accord. Pas des églises. Oh, mais c'est vrai. Amen. Yokan zondo yagowana. Marteau, hein? Okay. Zondo veut dire marteau. Hein? Ce sont des loges. Yango zali bandako, miki miki zali église dans Zambete. Pas des églises. Ok. Ce sont des loges. Zali bandako. Comme la loge Maïkariste. Comme la loge de message de Graal. Le kola va venir message de sangue Graal. Comme la loge de bouddhistes. La loge de franc-maçonnerie, oui, franc-maçon, la rose croix, oui, ce sont des loges, pas des églises, une seule église, et c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que c'est? Le corps mystique de Jésus-Christ en action sur la terre. Donc, c'est là l'unique église. C'est le corps mystique. Mystique du Seigneur Jésus-Christ en action sur la terre, faisant qu'un membre de n'importe laquelle de ces congrégations soit un membre du corps de Christ. Vous devez naître en elle, pas adhérer à elle et adhérer à ça. Ce sont des noms blasphèmes. Êtes-vous là? Vous saisissez ces noms blasphématoires. Que Dieu assiste chacun de nous. Nous allons créer maintenant là-dedans parce que notre exhortation c'est pas les flatteries d'église. De porter le nom que vous ne méritez pas. Nous sommes l'église. Vous allez clés à l'église. Et vous menez n'importe quel genre de vie. Vous allez comme l'église. C'est honteux. Vous allez je vais dans les sermons l'ordination des ministres. L'ordination des ministres a prêché le 4 novembre 1962. Le paragraphe 5. Et ensuite, j'ai fait cette déclaration qu'il n'existe pas d'église dénominationnelle. Ça n'existe pas. Pouvons-nous corriger notre langage? Les églises dénominationnelles n'existent pas. Je sais que ça vient petit à petit des fois. Ton message n'a pas le bien d'abord à l'église. Il y a un loge. Vous devez naître de nouveau. Pas aller adhérer à un groupe religieux. Mais les églises veulent vous héberger. Les loges là veulent vous héberger. Ils vous font oublier même l'obligation de nouvelle naissance. À cause des gestes apparents de la religion. Venir régulièrement à l'église, payer la dîme et les offrandes. Appeler la main du pasteur. Et vous oubliez de naître de nouveau. Et ça, on en parle que rarement. Mais c'est quelle église là? Oui, l'église du Seigneur? Oui, pas comme ça. Bon côté. Dans les loges, vous vous permettez ce programme. Il héberge toutes sortes d'oiseaux impurs. Vous vendez ça, l'église n'y a pas bandé. Elle est tombée. Elle est tombée. Babylon la grande. Elle est devenue une habitation des démons. Un repère de tout esprit impur. Et de tout oiseau impur. Oh Dieu. Malheur. La grande ville, Mawa, où se sont enrichis par son opulence, où ceux qui ont dénagé que la mer, à l'île seule, elle a été détruite. Alors, et puis j'ai entendu du ciel la voix qui disait, sortez du milieu. Vous devez sortir de là. Babylon est tombé. Babylone est tombée. Babele, elle est devenue le lieu de refuge des démons. Des oiseaux exécrables. Des oiseaux odieux. Vous avez entendu vendredi? Pas les aigles là-bas. Les aigles tirent en vol. Mais tous les oiseaux impurs continuent à aller là. Ils aiment jouer aux yeux des dames. Ils aiment les jeux de loterie. Ils aiment la drogue scolaire. La tricherie. Les mensonges. Le dribblage. Pour se permettre ça, ils vont là-bas. Ils viennent pas là où il y a la parole. Mais le Seigneur a promis, dans son destin éternel, la parole fraîchement révélée. La viande qui saigne encore. Pas des choses pourries de ton état. Mais la parole qui descend d'ailleurs. Respiration presse du Seigneur. Elle doit traiter avec l'église. Nous voulons être connectés. Au trône. Être délivré des emprises, des dominations maléfiques. Les dominations du péché. Amen. De l'impunicité. Il faut que nous soyons délivrés. Alors, pour ça, il faut une puissance de haut niveau. Amen, c'est vrai. J'ai longtemps erré sans guide, altéré de vrai bonheur. Mais hélas, mon cœur avide n'est trouvé que la douleur. Où sera la main puissante qui pourra faire son effort? Arrêtez sur cette pente, mon échant, je vois la mort. Un sauveur, Jésus lui-même, et pitié de mon foi. Je me dis, pécheur, je t'aime, je lisais mon sang pour toi. À ce Jésus qui me donne et sa paix et son amour. À Jésus, je m'abandonne, Tu ne craindras ni la tempête ni l'orage. Mais tu seras puissamment fortifié. Par le Saint-Esprit de vérité. Je veux que Dieu exauce cette prière. Lui duquel tire son nom toute famille dans la terre. Il nous accorde d'être puissamment fortifié dans votre homme intérieur, même si les dehors n'ont rien envié, même si les dehors n'ont rien de glorieux, même si les dehors n'ont rien d'impressionnant, même si les dehors c'est la misère et la pauvreté, qu'est-ce ça à tout bout de champ, mais c'est ton intérieur là, puissamment fortifié par le l'esprit de vérité, l'esprit du Dieu vivant, l'esprit existant, pour aider les nécessiteurs, pour aider celui qui a besoin d'être aidé. Aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur, aide-moi le consolateur infaillible. Consolateur qui ne rate jamais le temps. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est notre nom. Alléluia. Il est cela. Écoutez, on va lire ici dans l'ordination des ministres. Je fais cette déclaration. Il n'existe pas d'église dénominationnelle. Pareille chose n'existe pas. Elles sont des loges dénominationnelles. C'est seulement par naissance que vous entrez dans l'église. Amen. Et si nous devons former une telle église localement. Ne voyez-vous pas que tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau seront tenus de haut? Alors, ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu, mettez-vous debout. Ce sont ceux-ci qui devaient former l'église de Dieu. Et si nous devons nous rassembler en tant qu'église pure, nous devons vous mettre dehors. Vous devez écouter la prédication à partir de la venue là. Et donc, il y a à l'intérieur qui sont là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont déjà nés. Ils allaient pas en gros, et vous autres, vous avez Alibanda. Batu Alibanda. Les gens disent dehors. Batu Alibanda. Vous entendez ce qu'il fait? Vous allez courir quand vous allez nuit. Veuillez vous asseoir, merci. Pourquoi vous vendez à Matondi? Frère Branham fait une déclaration forte. Au temps du tabernacle de Dieu au désert, aucun circoncis n'avait le droit de communier à l'intérieur de la tente, dans le tabernacle. Aucun circoncis. Pour montrer que quiconque n'a pas le baptême n'a pas le droit de communier avec l'église. Je dis ça. C'est l'empire qui doit rester dehors. Il n'a pas un simple. Il allait m'avancer. Si un homme n'a pas encore l'esprit de Dieu, okay, moi, la Bible l'appelle un homme animal. Bible a venu d'aller m'autonoma. Bâtir ngulwawa, bâtir yowawa, beaucoup cani na bino. Nangulube na yo, nang taba na yo, vous avez bandeko. Imaginez. Panda. Tu penses être quelque chose depuis que tu fréquentes l'église. Mais regarde, là à l'intérieur, rien. Là, on a quatre coups de l'autre côté. Irrégénéré. Vous anguis coyez sa machine. Beaucoup d'années comme ça. Mais vous avez les boyaux. Tu attends quoi? Vous allez poser la nini. Vous êtes quoi? Vous êtes quoi là? Vous allez poser la nini, Wana. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Nous allons poser le nom là, yo. Si vous continuez à traîner dehors, vous allez recevoir les soins de Dieu. Ça, on a mandat le diable va vous récupérer vite. Je vais être sur la boule à vous. Les soins de la vie. La marque de la perdition. Vous ne traînez pas trop dehors. Vous devez sortir de l'eau. Vous n'êtes dans le royaume. Il y a urgence, mon ami. Amen. Ne traînez pas. Hein? Voici, je vous l'ai dit. Si l'un de vous attrape la marque de la bête d'après-midi, je vous ai dit, Et n'empêche, nous devons les dire. Nous ne cherchons pas la popularité. Nous cherchons le salut des âmes. Et quand quelqu'un dit, je suis un presbytérien, vous appartenez à la loge presbytérienne. Oui, parce que vous êtes né, je suis baptiste, vous dites baptiste. Vous avez dit que vous baptiste. Vous appartenez à la loge baptiste. Vous allez pas tenir dans la baptiste. Et non à l'église baptiste. Vous allez dans l'église baptiste. Pareille chose n'existe pas. Nous le quoi l'église baptiste. L'église baptiste n'existe pas. L'église baptiste. Le son de loge. Vous allez dans le Seigneur n'a qu'une seule église. Vous avez une église à mon corps. Vous devez naître là-bas. Le Seigneur est votre maman. Naître d'eau et d'esprit. Vous êtes maman et père. Naître de la vérité, de la parole. Vous êtes la puissance d'en haut. Vous le devez. Vous saignez les allées saignées. Et nous avons ramené cela dans la Bible. Et nous avons découvert que le fait même de dire pareille chose constitue un blasphème. Le lengue kutia koloba et l'eau par le lengue wana ezali kotuka. Oke nukubenda eglise presbyterienne. Oke nukubenda ngo eglise katholique. Nukate yonda kwenye wabando. Eglise katholique. Eglise blasphème. Wane zali kutuka. Ozo tuk eglise rassemble. Ce n'est pas une église. Vous allez créer à qui? Merci de l'ange. Vous allez n'a qu'au moko boué. Que Dieu change notre langage. Zambé, à bon goût, le béni abiso. Message, côté abiso vraiment n'a qu'à. Amen. Et comment vous m'en avez n'a qu'au? Vous bénga quand vous plus jamais église catholique. Une chose comme église catholique, il n'existe pas. Et l'eau, quand vous l'avez écrit, ça va vous faire la langage. C'est l'ange catholique. Vous allez n'a qu'au, où il va mouper. Comme il y a la loge branamiste. Le coup les ailes d'un coup à battre avec la branamiste. Baptiste. La baptiste. La loge pentecôtiste. La baptiste. Le nom église est consacré pour les petits troupeaux du Seigneur. Vous avez le coup à être en gamme qui est en colo. N'appelez pas église n'importe quoi. Vous avez gâté ce qui n'est pas église. Qui dit jamais? Alors vous avez le bon goût. Le fait même de dire pareille chose constitue un blasphème. C'est vrai. Je lis cela juste dans le manuscrit original de l'emphatique des gloires. Que la Bible dit que cette puissance qui se nomme l'Église est pleine de noms blasphématoires. Voyez, ils se disent chrétiens, ils s'organisent comme chrétiens, mais ils mènent juste toutes sortes de vies. Des gens qui disent appartenir à l'Église. Il se faut appeler les chrétiens. Mais les gens, je dis qu'ils mènent n'importe quoi. Ça, c'est un blasphème. C'est pour discréditer l'Église. Il y a la réputation de Jésus. Laissez-moi Jésus tranquille. Si vous ne l'aimez pas, allez-vous-en. Laissez-le tranquille. Il est le vainqueur. Il est le gagnant. Il est le sauveur. Tous ceux qui l'invoquent, il a dit que tout ce qui se confie à lui ne serait pas confiant. Nous voulons voir des résultats comme ça. Pas des slogans, mais les résultats. Oh, tu l'invoques, tu l'invoques, tu l'invoques. Quelqu'un de l'église même. La Bible dit que quiconque invoque le nom du Seigneur, il est loin de l'église. Les péchés sont toujours là. Mais si l'église est toujours là, je l'invoque, je l'invoque. Tu mens. Tu dois changer. Il faut un résultat palpable. Et Sengeli, Diane, elle commande la commande à il vit changer. Bon, est-ce que bon, voilà. Il vit transformer. Bon, il est bon, voilà. Il honore le Seigneur. Il honore le sacrifice sanglant. Il honore le Seigneur. Et son sang n'a pas coulé en vain. Makila n'est plus possible de faire un pas. Il a coulé pour sanctifier les âmes. Il a coulé pour sanctifier les âmes. Il a dit non à l'impudicité. Il a dit non à la prostitution. Mais il y a un résultat. Parmi les sauvés, j'ai mon rang. Quand on compte les sanctifiés, il y a mon âme. Mais dans sa grâce. Ma vie, l'honneur. Mes gestes, l'honneur. Mes sacrifices, l'honneur. Tout ce que je fais. Nous de les bénir et les servir. Et d'aller la ne donner la pierre d'achoppement en rien. Ils se disent chrétiens, s'organisent comme chrétiens, mais ils mènent juste toutes sortes de vie. Voyez-vous? Et cela correspond exactement au songe qui sort de cette église. Et que nous avons expliqué ce matin. Mes chers amis. Il est temps de nous interpeller. Nous ne pouvons pas salir le Seigneur à ce point-là. Salir son événement. Dans toutes choses de vie. Des combats. Des mensonges. Et des mensonges des réseaux sociaux. véhicule de porte droite, on ne peut pas être chrétien. Nous sommes de l'église de Dieu. Vous allez à l'église de nous. Ces choses doivent disparaître. Tu invoques le nom du Seigneur. Et loin de toi, de l'île qui t'est. Tout ce que tu sais être mal, tout ce que la parole interdit, toi aussi. En fait, c'est quoi de faire ça? Si Jésus est ton sauveur, qui est là? Mais si tu es un mec en train de tromper, tu es le nom de Dieu. Par trop d'esprit de prendre un titre que tu ne mérites pas, pourquoi tu dois s'appeler chrétien? Mais tu vas faire la honte. Partout où tu passes, Dieu te voit. Si tu fais même là où il n'y a pas de freine, Dieu te voit. Qu'on discrédite ça, qu'on ne prenne pas ça au sérieux. Bah, Par tous ces pays, comment une sœur peut se retrouver dans les bras de fumeurs de cigarettes? En train de s'appeler chérie. C'est quoi ça, une sœur? Croyance du message. Et ce type-là, il tire la cigarette. Et tu l'appelles chérie. Diablotine, ce sont les diablotines qui viennent. Wana, et nous prêchons, plus on prêche, plus on continue à sentir. À cause de l'incrédulité des cœurs. Ne croyez pas ce que nous prêchons. Et c'est ça la vérité. Vous croyez, vous agirez d'après cela. Vous ne croyez pas, c'est pour ça que le péché alors qu'ils pratiquaient une religion. On annonçait le pardon des péchés aux gens. Jour après jour. Dans ces églises-là, dans ces loges-là. De Babylone. Toutes les confédérations qui font partie de Babylone. On dit que les gens à la repentance. On dit aux gens là-bas qu'ils sont pardonnés de leurs péchés. Mais regardez. Ils ne sont pas sous le véritable sang de la vie. Quand il est dévoile ce qu'il y a dans son écran, les péchés d'iniquité se sont accumulés sur le ciel. Voilà la conséquence de pratiquer la fausse religion. Ils vous donnent une fausse espérance. Une fausse voyage. Et vous amèneront la perdition. Vous ferez croire que vous êtes sauvés. Vous êtes bénis. Or, Dieu ne fait qu'accumuler. Ça ne fait que compter. Vos péchés ne font que Ils font payer même pour les diligences. Quelque part là, pour le pardon de péchés. Mais quand maintenant Dieu dévoile à la fin là-bas, les péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Ce qui veut dire que rien n'a jamais été passé. Il n'y a rien pardonné du tout. L'exploitation des hommes par les hommes. Prenez de l'argent. te pardonne pas. Mais le Dieu qui pardonne n'a rien pardonné. Des voleurs. Des cavernes de voleurs. Des loges de criminels. L'enfer les attend. Des fils de la gêne. L'enfer les attend. Dieu a dit des choses. Vous ne me prenez pas pour un fou. Vous êtes dans le bon sens. Mais dites pas pasteur à sonner à craquer. Pourquoi pas dire que vous des fils de la gêne. Des bandes de serpents. Votre destination est scellée. Et si tu as la vie, tu as mes frères et sœurs. Si aujourd'hui vous entendez ce mot, vous êtes de la vie du péché. Nettoyez vos habitudes. Nettoyez vos œuvres. Arrêtez le copinage. Arrêtez la périssité de la fornication. Arrêtez le copinage. Arrêtez la vie d'hypocrisie religieuse. De se faire appeler chrétien. De se dire membre de l'église. De se dire n'importe quel genre de vie. C'est faux. Notre vie doit refléter ce que nous croyons. Dans les sermons, Dieu se cache puis se révèle dans la Bible. Elle dit ceci. Le 17 mars 1933. Toutes les autres sont des loges. Ce ne sont pas des églises. Ce sont des loges. Et l'église méthodiste ou l'église pentecôtiste, ça n'existe pas. La méthodiste, c'est la ça n'existe pas. Non. Ça n'existe pas. Non. Elles sont toutes fausses. Bango banso, vas-y à l'okuta. Bango banso. Elles sont toutes fausses. Bango banso, vas-y à l'okuta. Que ce soit tranchant et prenez position. Yango, et à la kokata, vous, parce que vous avez l'air pour la bino. Oh, ok, ne voulons pas bico la yokuna. Vous n'avez vraiment prophétie, bah, ne vous salakuna. Ok, ne vous comptez dans la fausseté. Dans une loge. Parce que tu n'as pas de vrai Dieu. C'est comme avoir, tu regardes une banane qui est étalée sur la table d'une vieille maman là-bas, qui va au marché des Bitoula. Dis-nous que c'est tous les pola. Tu regardes bien la banane là, et la peau est devenue noirate. C'est visible. Et le mouche tourne autour là. Mais toi, tu montes ta prochaine de la table. Tu veux toucher d'abord pour être sûr si c'est pourri ou pas. Tu as des yeux, mais tu ne vois pas. Moi, à ta place, je passe à distance. Et le question est pour là, non. Où est-ce que tu as une histoire pourrie. Tu veux aller tester d'abord avec moi. Tu veux faire les Saint-Thomas. Oh, on a sa sécurité. Peut-être des agents d'apparence. Je dis que la misapi na yowana. Au syndicat de Bilogoana, partout au Miko Tambola, je dis que la yo. Au moins, vous avez ce que ça va. Il faut avoir des yeux qui voient et savoir utiliser ces yeux. Toutes ces églises-là sont fausses. Voici la vérité du message. Si tu n'y crois pas, tu vas encore continuer à essayer là-bas. Ok, non, vous allez sur le cerf, pourquoi vous allez connaître, pour n'attendre une église, un abisso, dans mon cerf, il y a combat la terre. Mon coup finisse. Yo, mon agagagaté. Là où il y a la parole technique de voir, tu ne vois pas. Et vous, c'est quoi? Ce sont des robots. C'est quoi ça? Oh, mais où est la kingaï? Voilà. Voilà comment un frère peut être imparti à ce niveau. Et tu veux que les miennes qui sont ici, qui va les épouser? Beaucoup pas la maman. Continuez à faire les abattis. Nathan Maman Bino. Attendez, vous allez voir. Hein? Nous nous comprenons, n'est-ce pas? Et comme ils sont ceux-là. Tu vois, en église, ils ont monnaie. Mais ils sont des coups, ils n'ont rien à bouger dans Satan. Tu vois, parce que tu n'aimes pas le goût de la parole. Ils allaient pour être au lingue, l'ingue, l'ingue, l'ingue, l'ingue. Ils ont en apparence, la parole, voilà, voilà, voilà, c'est le bâtiment. Bah, ça, c'est le bâtiment, c'est le bâtiment. On va passer à la bâtiment. Ce sont des filles de Dieu. Ils n'allaient pas les appeler. Ils n'allaient pas les appeler. Hein? Il nous faut comprendre la volonté de Dieu et agir d'après la volonté de Dieu. Oh frère, ma frère, on église, est-ce que frère m'a pas besoin de la gai? Frère, mon gai. Oh ma frère, quand on a dit, parce que irresponsable, bango nous. Yo mis sur la question qu'on irresponsable en église. Mis sur la série, moi je suis irresponsable. Faut y en être responsable. Quelle audace! On a demandé celui qui dit ça. Humilions-nous! Arrêtez la vie du péché! Arrêtez ce système d'incrédulité! Frère Branham a dit, en aucun cas! Un croyant ne devrait épouser une incroyante! Et vice versa! En aucun cas, il n'y a pas de question! On devrait toujours se marier entre croyants! Car un mariage mixte n'est jamais prospère. Montrez votre couleur. Si vous croyez le message, pratiquez-le. Vous voulez aller dans les loges qui sont fortes là-bas? Vous voulez aller dans les loges qui sont fortes là-bas? Vous allez tester d'abord si c'est déjà pourri. Et si nous pouvons là, la parole de la dit ça suffit. Mais nous venons de l'écoutibongo. Qu'aucune des colloques expériences supérieures à la parole. Les dix qui ont le tiré pour la lino va colloquer en côté. Elles sont toutes fausses. Les aliments sont, il y a mal écouté ma paix. Et vous, dans le temps de apprenez déjà ça. Bino balan et kéla salomingo voye pour la lino. Ce n'est pas pour rien que les parents vous font assister au culte des adultes. Les amis qui peuvent être babos, vous allez pour faire les tirons, salle, vous allez là. Les ABC du message. Vous n'avez pas les bandes de l'étango. C'est vrai. Voyez-vous, ce sont des loges auxquelles les gens adhèrent. Mais c'est par une naissance que vous entrez dans l'église. Dans l'église du Dieu vivant. Et c'est le corps mystique de Jésus-Christ. En formation. Dieu est en train de il ajoute à l'église chaque jour ceux qui sont sauvés. Pas ceux qui adhèrent. Mais ajoutez chaque jour, à l'église. Ceux qui sont sauvés. Ceux qui sont sauvés. Ceux qui sont sauvés. Dans les actes des apôtres au chapitre 2. Verset 47. Et là, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est pas l'apôtre Pierre qui ajoutait. C'est pas les apôtres qui ajoutaient. Dans un petit bouquin, un petit cahier. Beaucoup moqués. Mais c'est le Seigneur lui-même qui a ajouté. Et il doit naître de même maintenant. Et c'est la loulène de Boko. Il appartient à l'église. Ce n'est pas par votre volonté. Mais c'est Dieu lui-même qui ajoute. Après vous avoir donné le salut de l'âme. Il vous introduit dans le cœur de Dieu. Après vous avoir donné le salut de l'âme. Pour Saint-Jolan Zambete, pour Kumamaka, Nabato, Yonso. Polote abakisi baoyo bazalaki kobikisama mokolo na mokolo na motuya na bango. Il faut que la soit de même maintenant en ce temps de l'église à la bongo. Ça, ça est une attente à poser un problème. Que Dieu ajoute encore! Dans la bâtisse à l'issue. Ceux qui sont sauvés. Baoyo la fille kobikisama. Ce que lui a sauvé. Oh, yé, j'en ai fait le sauvé. Lui, il le connaît comme sauvé. Oh, yé, yé, du bango le col à l'abikisama. Il leur donne ensuite le Saint-Esprit. La fratine que peut-être on va lui montrer. Il a agréé leur foi. En dîner qu'on y va à bango. Il a reconnu qu'ils sont croyants. Aïe, dit, tu vas aller à bango. Ils ont bien aidé lui. Et qu'on y va à bango. Il leur donne ensuite le Saint-Esprit. Après, tu vas nous montrer qu'on y va à bango. On va faire membre du corps de Christ. Pour la reconnu, ça va nous dire en bas, en fait, on a Christ. Il est le même jusqu'à présent. Aïe, l'on a eu un mot qui nous vous aimerez ces vérités tout le temps. Vous pouvez vous faire le temps, mon oh, mes chers amis. Maninga. C'est tellement bon. Vous allez malade, mon mingi. Merci dans le sermon. Pourquoi je suis contre la religion organisée? Avant d'aller là, pour un azali, copier, mais là, ma sambo est-il que bon, vous voyez ça? Vous allez comment, hein? Le paragraphe 173. Mukama tukusambula misato les gens dans ce groupe la disent ça, tu vas battre ça 50 personnes. Ils vont se battre pour que chacun amène quelqu'un et tout ça. Et compléter le nom dans les listes. Ça ne se faisait pas dans l'église du Dieu. C'est Dieu lui-même qui a ajouté. Car c'est lui seul qui sauve. Il est le sauveur de son église. Il en est le chef suprême. Là-dedans, c'est lui qui décide. C'est ce que vous, l'église, vous décidez. Moi, je vais décider par lui. Ce que vous prévoyez doit avoir été prévu par lui. Les Églises doivent être prisonnières de Christ. Elles doivent se soumettre à Christ. En tout sens. Ils font tout selon leurs prévisions. Ce sont des noms qui devraient s'identifier à Christ. Mais ce sont des noms blasphématoires. Ce ne sont pas des églises. Mais c'est à tort qu'elles sont appelées églises. Elles sont des loges. Maintenant comprenez-moi. Donc, comprenez-vous pourquoi je suis contre l'organisation? Non pas contre les gens, mais contre le système des organisations. Oui, ce sont des noms blasphématoires. Les loges, c'est à tort qu'on les appelle des églises. L'église méthodiste, des frères unis. Ce n'est pas scripturaire. Il n'existe qu'une seule église. Vous ne pouvez pas y adhérer. Vous y entrez par la naissance. Vous êtes prédestinés à cela. Le corps mystique de Jésus-Christ. Le corps mystique de Jésus-Christ. Ici sur terre. Avec la parole rendue manifeste. Ce n'est pas avec un nom qu'on brandit partout. Le corps mystique de Jésus-Christ et il y a la parole rendue manifeste des fils et des filles de Dieu. Et maintenant, ils ne sont membres d'aucune ils ne sont membres d'aucune de ces loges-là, de ces églises appelées à toi. Tantôt il vous a montré que le corps de Christ est en formation. Maintenant il vous dévoile les membres de son véritable corps de Christ. Ils ne sont membres d'aucune loge dénomination. Kokende kuna koluka frère en Christ c'est azate. Kokende kuna koluka frère en Christ c'est azate. Na bina mayakuna basate. Amen. La question c'est qu'on soigne ma message. La question c'est qu'on soigne ma message. Awa. Oh non, il a quand même le baptême du Saint-Esprit. Il y a dans les bâtiments mon mot. Azure ma belle kindogi. Non. La parole dit. Il avait le dit. En lui vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été. Ces loges-là qui sont toutes fausses, qui ne peuvent pas être la colonne et l'appui de la vérité. Ils ne sont pas l'église, même soit pour l'église à toi. Ils n'ont pas la parole de vérité. Vous rêvez? Vous allez pour l'OTA? Vous dites moi, vous ne savez pas de quoi vous parlez? Vous allez pour l'OTA? Vous allez pour l'OTA? Vous allez pour l'OTA? Vous ne savez pas de quoi vous parlez? Vous allez pour l'OTA? Vous allez pour l'OTA? Omu na moniki mutumoko alubi azampaka ya ba assemblée a message na RD Congo. Amonika rasoki centre moko dénominationnel la zone leka akose na kifuna kupesa mbote la kite kuna na chaîne likise na chaîne. Ah bato boye azana Saint Esprit. Amen. Ah Babylone eh? Babele ezingeli biso makasi. Mais on a combattu l'assemblée à message. C'est vrai. Babylone et sa connaît. Bima! Sors de là! Bima Kuna! On est en train de, d'attribuer le Saint-Esprit à Pambala Pambala. Vous allez pour Kabamoli Moussanto. Moi, un enfant de Dieu qui entend l'évangile. Vous allez pour Kassango. Tissu ou comme ça. Vous allez pour Toka. Pour chercher l'expérience conforme à la loi. On a connu Kalibi, tu es bon qui n'a l'idée pas. Mais y'a monsieur Sukuna. Pambala Pambala, Wenze Wenze. Y'a Ophélé, y'a moins cher, y'a Ngoyo. Bah, c'est Kababo, Tuntuki, ah, y'a Ngoyo, écoute. Ah, ok, agis Saint-Esprit. Devons pas respecter. Zéla, le temps vient. Vous réaliserez que l'évangile était une chose rare. L'évangile authentique était une chose rare. Que Dieu nous aide ici chaque fois. Je ne veux pas que vous puissiez tomber dans ce piège-là. C'est vrai? Ils ne sont membres d'aucune de ces églises. Bazali kutu atamokote binama ya bandako wana. Au paragraphe 211. Mukamini bali namoko alobi. C'est pourquoi je parlais contre l'église. Yangwana alobi kote le mena eklesia. Les loges. Bandako. Je ne peux pas appeler cela église. Nakoki kote anga yangote eklesia. Il n'y a qu'une seule église. C'est l'église qui est le corps de Christ. Mais ces loges qu'on appelle l'église, ma Bible me dit qu'elles sont des noms blasphémateurs. Et de toutes les organisations. Contre quoi blasphème-t-elle? Blasphémer signifie s'opposer à. Vous parlez contre. Alors que Dieu dit, venez naître. Elles disent, venez adhérer. N'est-ce pas déjà un blasphème? Dieu exige la naissance. Je cherche les adhésions. Des pervers. Vous voyez? C'est alors que le baptême du Saint-Esprit a été remplacé à tort par une hostie dans l'église catholique. Bon, voilà, lui-même aussi, il appelle encore l'église catholique. Une poignée de main dans l'église. Voilà encore, l'église protestante. Une émotion dans l'église pentecôtiste. À la place de la personne de Christ. Qui entre avec tout cet édifice en forme de pyramide. Dont nous avons parlé l'autre jour. Donc, au lieu de ça, une poignée de main. Frère, nous ne voulons pas remplacer l'évangile. Nous ne voulons rien substituer à la vérité. Dieu nous aide à rester fidèles. Êtes-vous là? Vous allez là? Voilà. Très important. Ceci est très important. Oh. Peuple Nam dit, je ne veux plus les appeler des églises. Vous voyez, et dans ce sermon ici, pourquoi je suis contre les religions organisées? Au paragraphe 237, il fait même une prière. Et nous voyons Babylone. La mère prostituée. Maman a et toutes ces filles prostituées se rassemblent. Oh Dieu, nous savons que les Écritures disent que livré arraché du champ. Et ils ont lié des gerbes s'appelant de noms blasphématoires qui en fait n'ont rien à voir avec elle. Cela non plus n'a rien à voir avec l'église. Ce sont des loges, pas des églises. Et il y a qu'une seule parmi elles, et c'est celle pour laquelle tu es mort. Jésus est le sauveur de son église. C'est la seule église pour laquelle lui était mort. L'unique église. La seule et l'unique. Voyez-vous bien aimé? Que Dieu soit béni. J'aimerais lire pour terminer ici. Dans le sermon, Dieu change-t-il de pensée au sujet de la parole? Prêché le mardi 27 avril 1960. Et puis l'église naturelle n'est qu'un groupe de gens qui sont dans les dénominations par adhésion. Ce n'est rien de plus que je ne les appelle même plus église. Je ne veux plus les appeler ainsi. Je préfère les appeler de loge méthodiste, loge baptiste, loge pentecôtiste. Mais l'église, ce sont les nés de nouveau qui sont en Jésus-Christ et qui sont de nouvelles créatures. Et ainsi, nous voyons toujours que Dieu tient sa parole. Voulez-vous appartenir à l'unique église du Seigneur? Répentez-vous correctement. Obéissez à la voix du Seigneur qui vous parle. Gardez l'évangile précieusement. Et Dieu bénira votre foi. Tenons-nous debout pour la prière. Et c'est avec amour que nous allons prier. Qui nous éclaire et qui nous conduit par la main. Qui peut effacer nos péchés et nos culpabilités. Qui peut nous amener à ses pieds dans la sainteté. La vieille mélodie. Bana l'ouboua kala. De la parole, mettons fin à tout ça. Honorons le Seigneur que nous avons. Que nos vies honorent sa parole. Partout, Dieu nous voit. Rien ne cache à ses yeux. Dieu voit tout. Et la grâce de Dieu, c'est le commencement de la vie. Mais un frein à ses pieds qui vont au mauvais endroit. Prions chaque matin. Cantique Crois seulement numéro 127. Es-tu lavé dans le sang? Crois seulement 127. Es-tu lavé dans le sang? Tu rencontres Jésus qui est péri, et tu l'avais dans les temps, et il a eu. As-tu vraiment confiance en ta grâce, maintenant, et tu l'avais dans les temps, et il a eu. Yeah. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous venons à toi au nom de Jésus-Christ, le Christ Dieu, pour t'offrir notre prière. Nous t'adorons de tout cœur de ce que tu nous as accordé cette matinée. Nous bénissons ton nom qui est saint, de ce qu'il possède toutes choses. Et en lui, comme a dit l'Évangile ce matin, nous avons tout pleinement. Tu es le chef de toute autorité. Tu es le chef de toute domination. Tu es le chef suprême de l'Église. Tu es le sauveur de l'Église. C'est toi qui en détiens le dernier mot. Qui ajoute ceux qui sont sauvés. Si mes frères et sœurs, nous connaissons la foi et le besoin de chacun. Pourquoi à ce besoin-là? Nous voulons voir les âmes dans le royaume. De nouveau, de l'esprit de vérité, de la parole promise de Dieu, à notre temps ici, comme tu l'avais fait autrefois. Éloigne-nous de l'autre. Débarrasse-nous des esprits de l'autre. De tous ces démons qui hébergent Babylone. Nous voulons nous en débarrasser complètement. La mondanité, la compromission, les jalousies, les hypocrisies, les dénigrements, les médisances, les impiétés, les critiques et tous ces esprits immondes utilisé par le diable pour maintenir les gens dans la perdition avec des faux témoignages, parlant même de Dieu à la légère. Mon frère et ma soeur a échappé à toutes ces choses. C'est toi le sauveur. C'est toi le libérateur. C'est en toi qui est la puissance véritable. Tu es l'unique lumière du monde. Éclaire-nous, Seigneur. Éclaire ton peuple. Éclaire tes enfants pour ta part. Rends-nous plus que vainqueurs. Nous avons confiance en nous approchant de toi, que nous ne manquerons de rien. Tes promesses te confirmeront. Ton soutien sera là. Ton soutien se manifestera. Il n'y a pas d'ennemi plus fort que toi. Mais tu les maintiendras tous dans l'impuissance. Ah, tu as promis à ton peuple exauce chaque prière, guéris chaque maladie, ôte chaque faiblesse, vérifie-nous dans le sang pour être plus blanc que la neige. Au nom de Jésus-Christ, prions ici. Amen. Veuillez vous asseoir maintenant. Et louange à Jésus-Christ. Nous commençons à arriver à la fin. Petit à petit. Okay. Et nous louons le Seigneur. Amen. Pour ce privilège qu'il nous a accordé ce matin. Shalom, Église.